بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours 93 aujourd'hui dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le charh de Sheikh Abd al-Rahman ibn Hassan al-Qurrat Uyun al-Muwahidin, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc dans le chapitre, c'est le chapitre 9, Bab man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima. Et on était en train d'expliquer le hadith de Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu à propos de yani ذات anwat, l'arbre ذات anwat. Et on a commencé cette explication là, on va continuer inshallah. Donc on était rendu à l'explication du hadith lorsque les gens qui venaient juste de devenir musulmans, qui venaient de se convertir, ils ont dit اجعل لنا يعني ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط, يعني désigne-nous un arbre hein, pour, sur lequel on va pouvoir accrocher nos épées pour la bénédiction, pour les rendre plus forts, de la même manière que les mushrikines, ils ont eux aussi un arbre. Alors le cheikh il explique, il dit wa qawluhu fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar, يعني هذا تعظيم لله عز وجل وهذا وفي هذا وفي هذا الفعل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر شيئا يعني إذا استنكر شيئا أو استحسن شيئا كبره صلى الله عليه وسلم ولم يكن يصفق كما يفعل مقلدة الغرب الآن لأن هذا شيء لأن هذا الشيء الحسن من صنع الله عز وجل وهذا الشيء الكريه ينزه الله عز وجل عنه ويعظم فقوله الله أكبر هذا تنزيه لله وتعظيم لله عن هذا الشيء العظيم لأنه شرك الله أكبر إنها السنن أي الطرق يعني جمع سنة وهي الطريق يعني سنن الجاهلية وهذا التقليد للكفار هو سنة الجاهلية ويقلد بعضهم بعضا ولا يرجعون للشرع ولا إلى العلماء وإنما يأخذون من عادات الناس وحضاراتهم وما عمله الغرب وهو الشيء الحسن وما عمله الغرب هو الشيء الأحسن وهذه طريقة التقليد والتشبيه والتشبه والتي كان يسير عليها المشركون والجاهلية يعني من عهد موسى عليه الصلاة والسلام إنها يعني فقال إنها السنن يعني قلتم والذي نفسي بيده وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم عليه من باب التأكيد والاهتمام بهذا الأمر وإلا فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لأنه أمر عظيم وخطير يعني هو أمر شديد وهذا فيه جواز الحلف على الفتوى إذا تأكد منها المفتي فإنه يحلف عليها من أجل أن يقنع المستفتي ويقنع السامع وقوله كما يعني إنما يعني إن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني قال إنكم قوم تجهلون يعني لما أهلك الله فرعون وأغرقه في البحر وبنو إسرائيل ينظرون ثم تجاوزوا البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني ما اتعظوا بهذه المواعظ ولا شكروا نعمة الله الذي أهلك عدوهم وجمد لهم البحر ومشوا عليه كأنهم يمشون على البر، وما شكروا هذه النعمة بسبب الجهل. قال إنكم قوم تجهلون، يعني استحسنوا ما عليه الكفار، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا مثل قول هؤلاء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قالوا لكليم الله موسى عليه السلام. والجاهلية واحدة في كل زمان، والجهل في كل زمان واحد، يعني يهلك أصحابه. إن هؤلاء متبر يعني باطل ومدمر ما هم فيه من الدين، من هذا الدين، دين الشرك، وباطل ما كانوا يعملون لأنه شرك. نعم، فإن شاء الله وبتخرج jusqu'ici la partie qu'on a lu en arabe. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu les nouveaux musulmans, ceux qui venaient juste de se convertir, qui demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, désigne-nous un arbre pour accrocher nos armes, de la même manière que les mushrikines, ils accrochent leurs armes et leurs épées, ou leurs flèches et leurs arcs sur un arbre pour les rendre plus forts et pour avoir une bénédiction ou une baraka. Désigne-nous aussi un arbre pour qu'on puisse faire ça avec nos armes et nos épées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit Allahu Akbar. Et le cheikh il explique que ça c'est pour exalter Allah lorsqu'il y a un acte qui est quelque chose qu'il veut condamner ou réprimander, ou bien qu'il voit quelque chose de bien et il veut montrer que cette chose-là elle est belle ou qu'elle est bonne, donc il va dire Allahu Akbar. Et donc quand il y a quelque chose de bon, il ne va pas taper des mains comme le font les gens qui imitent les occidentaux aujourd'hui dans les pays musulmans. Et quand ils trouvent quelque chose de mauvais, eh bien la même chose, il dit Allahu Akbar dans le but d'exalter Allah et de purifier Allah de cette chose. Et yani, c'est la chose en question que les mushrikines faisaient lorsqu'ils prennent un arbre pour la bénédiction de leurs épées et des choses de ce genre. Ça, c'est du shirk. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahu Akbar pour montrer la grandeur, la gravité de qu'est-ce que ces gens-là ont demandé lorsqu'ils demandent un arbre semblable. Et donc il dit Allahu Akbar pour montrer la gravité de qu'est-ce qu'il demande. Allah est plus grand. Et il dit ensuite Inna as-sunan. As-sunan, en voulant dire ici, yani, c'est une voie que les gens y suivent. La voie de la jahiliya, la voie des mushrikines, ou la voie des kuffars, ou la voie des juifs, ou la voie des chrétiens. Et donc ici, il explique ça dans ce sens-là, il dit yani que les gens dans la jahiliya, c'était ça leur pratique, c'était ça leur coutume. Et donc, les musulmans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, yani, ils vont essayer parfois d'imiter les kuffars et de les suivre. Et c'est la même chose lorsque, yani, lorsque par exemple, les kuffars, yani, comment ils font pour déterminer qu'ils vont faire quelque chose ou qu'ils vont suivre quelque chose, ils se basent sur leurs coutumes et sur leurs traditions. C'est comme ça que les kuffars fonctionnent dans leur société. Si tu leur demandes, par exemple, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous prenez cet arbre pour mettre vos épées dedans? Les mushrikoun, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais ça c'est notre tradition, c'est comme ça que nos ancêtres ils ont fait, donc nous on les suit. Donc à chaque fois qu'on leur demande une raison, pourquoi ils font, qu'est-ce qu'ils font, ils vont dire, mais ça c'est nos ancêtres, c'est nos traditions, c'est nos coutumes. Donc c'est ça, c'est la voie en fait, du taqlid, la voie du taqlid aveugle, le suivi aveugle des coutumes et des traditions, et de l'ignorance en réalité qui est héritée d'une génération à l'autre. Et les gens qui ne se réfèrent plus à la révélation d'Allah, mais qui vont juste imiter ceux qu'ils voient, yani, parmi les autres. Et donc le cheikh, yani, ici, il explique. Il dit que c'est ça la mauvaise exemple que certains musulmans vont suivre, d'essayer d'imiter les gens de la jahiliya, ou d'essayer d'imiter, yani, les kuffars, et de ne pas revenir à la révélation, de ne pas revenir aux ulama de l'islam pour savoir le verdict des choses, mais de suivre ce que font les autres comme coutume et comme tradition et comme soi-disant civilisation, et ce que les occidentaux font, et de considérer que tout ce qu'ils font c'est quelque chose de bien, donc de vouloir les imiter. Et combien on a vu de gens parmi les musulmans, même dans les pays musulmans, qui sont tellement amoureux de l'Occident et tellement éblouis par tout ce qui se fait en Occident qu'ils veulent absolument essayer de les suivre et de les imiter dans tout ce qu'ils font. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith: la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qila man al-yahud wa al-nasara qala faman. Donc c'est l'exemple ici dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous allez suivre l'exemple des juifs et des chrétiens, hein, étape par étape, pas à pas, jusqu'à ce que l'un d'entre eux rentre dans le trou d'un lézard, et vous allez les suivre à l'intérieur en voulant dire, même si c'était possible de rentrer dans le trou d'un lézard, hein, alors qu'on sait que le trou du lézard il est trop petit pour qu'on puisse rentrer, mais si eux ils réussissaient à y rentrer, ben vous iriez les suivre dedans, hein. Et quand les sahabas ont posé la question: de qui parles-tu au messager d'Allah, il a dit: est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens? Il a dit: oui, qui d'autre, hein. Et aussi il y a les perses et les romains. La même chose dans un autre hadith. Al-Fors war-Rum. Donc tout ça pour dire, yani, que lorsque les musulmans oublient la réalité de leur religion et cessent de se référer à la charia et à la révélation, ils prennent comme exemple les kuffars et les mushrikines et les gens du livre, et ils se mettent à vouloir les imiter de façon aveugle et à prendre leur exemple. Et donc ici on voit cet exemple lorsque des nouveaux convertis sont arrivés et ils ont vu ça, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur faire un arbre spécial. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: c'est ça la voie que vous suivez, des coutumes et des autres peuples que vous voulez imiter. Lorsque des gens sont ignorants ou qu'ils ont peu de connaissances, ils veulent imiter les kuffars et les mushrikines. Et il dit: vous avez dit la même chose par celui qui a mon âme en sa main, c'est-à-dire il jure par Allah que vous avez dit la même chose que ce que le peuple de Moussa, Banu Israël, ils ont dit à Moussa, alayhi salam, lorsque ils sont passés près des idoles, ils ont dit: oh Moussa, désigne-nous une idole, de la même manière que ces gens-là ont une idole aussi. Désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. اي فهمت ما في مشكله اخي لان هذا الدرس يبث على الاذاعه على الانترنت فيعني حتى اذا لم يكن هناك احد فيوجد اخوه يعني واخوات طيب خير ان شاء الله طيب بارك الله فيك انا اقرا الكتاب ثم اترجم الى اللغه الفرنسيه بارك الله فيك نعم في مشكلة يا أخي. Donc c'est ça ici le point que le cheikh il explique, c'est que le prophète sallam il leur a expliqué, il leur a dit par celui qui tient mon le prophète sallam a dit par celui qui tient mon âme en sa main. Et donc il jure ici, et le cheikh il dit ça c'est la preuve que celui qui fait une fatwa parmi les ulama, hein, parce que nous on n'a pas de doute sur ce que le prophète sallam il dit. Et pourquoi on n'a pas de doute? Parce que bien entendu, c'est le messager d'Allah et il est le véridique. Alors tout ce qu'il dit, on accepte et on y croit, hein, sans aucune hésitation. Donc lui, il mentionne cette parole et il jure par Allah pour rajouter de la fermeté, de la certitude à ce qu'il dit et pour montrer l'importance aussi de ce qu'il dit. Tandis que si par exemple quelqu'un d'autre, comme un mufti ou un alim parmi les ulama, lorsqu'il donne un verdict religieux ou un jugement religieux, et qu'il jure par Allah, ça c'est permis pour lui dans le but de montrer la certitude dans le jugement qu'il a émis et la position qu'il a exprimée. Donc ça, dans ce cas-là, c'est permis dans le but de convaincre les personnes à qui lui ont posé la question de jurer par Allah en émettant ce verdict-là. Tandis que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah avant d'informer les gens de quelque chose, c'est pour montrer l'importance et la gravité de cette chose-là. Et il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous avez dit la même chose que ce que les fils d'Israël avaient dit à Moussa, désigne-nous une divinité comme ces mouchriquins ont des divinités, des idoles. Et le prophète Moussa alayhi salam, le messager d'Allah Moussa alayhi salam, il leur a répondu en disant, innakum qawmun tajhaloun, c'est-à-dire vous êtes des gens qui agissaient de façon ignorante et vous êtes dans l'insouciance de demander une chose pareille. Et il explique en même temps le cheikh que surtout après tout ce que le peuple parmi les fils d'Israël ont subi en Égypte et le fait que Allah Azza wa Jal leur a montré des signes de sa puissance et de sa grandeur et comment il les a privilégiés de tous les autres peuples sur terre puisqu'il a fait périr Pharaon dans la mer et il l'a noyé et il les a fait traverser alors qu'ils voient la mer se fendre devant eux et ils traversent ils traversent l'océan à pied comme si c'est il n'y a plus d'eau pour pouvoir traverser la mer Rouge. Et donc, une fois traversé, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-A'raf, versets 138 à 141, ils sont arrivés vers un peuple qui se tenait devant des idoles. Alors, Moussa alayhi salam, ils ont demandé, Banu Israël ont demandé à Moussa, désigne-nous une idole, comme ces gens-là ont une idole. Et donc, Moussa alayhi salam, Allah il dit, il a répondu, vous êtes des gens insouciants, dans l'ignorance. Il dit, ceux-là, ce qu'ils font, c'est-à-dire ces idolâtres, ces mouchriquines, ce qu'ils font, c'est des œuvres qui sont perdues, qui sont dans l'égarement, et qui sont vains, c'est vain, ce qu'ils font est faux. Et donc, est-ce que vous voulez que je vous trouve une autre divinité que Allah, alors que c'est lui qui vous a privilégié sur toutes les créatures dans le monde et qui vous a préféré au-dessus de tous les mondes, lorsqu'il vous a sauvé du peuple de Pharaon, qui vous châtiait des châtiments difficiles et durs, il tuait vos fils, il laissait vivre vos femmes, et donc il y a dans ça une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et donc ici c'est pour dire, n'avez-vous pas pris de leçon de ça, et n'allez-vous pas être reconnaissant envers les grâces que Allah Azza wa Jal vous a données, puisqu'il a fait périr votre ennemi et il a solidifié la mer pour que vous puissiez marcher dessus. Et vous avez marché donc en traversant la mer comme si c'était la terre ferme. Donc n'allez-vous pas être reconnaissant de cette grâce? Donc si vous n'êtes pas reconnaissant vis-à-vis de cette grâce, c'est à cause de l'ignorance. Et c'est pour ça que Moussa alayhi salam, il leur a dit, innakum qawmun tajhaloun. Donc, à cause de leur ignorance, ils ont trouvé que ce que les kuffars étaient en train de faire, c'est quelque chose de bien, avec les idoles. Et donc, ils ont demandé à Moussa alayhi salam de leur désigner une idole, la même chose, la même chose qu'eux. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi salam, quand il entend des gens qui lui disent « Désigne-nous un arbre, comme eux, ils ont un arbre, comme si on pourra faire la même chose qu'eux avec cet arbre, avec la même chose que les mouchriquines. » Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ce que vous me demandez maintenant, c'est la même chose que ce que les fils d'Israël ont demandé à Moussa, alayhi salam. » Et donc c'est pour dire que la jahiliya, c'est une seule jahiliya. Comme les ulama ils disent souvent, « Al-kufru millatun wahida » La mécréance, c'est une seule et même voie, une seule et même religion. Et donc, c'est pour ça. « Barakallahu fi kakhi » Donc, ici, « Al-jahl » il dit, « Al-jahlu fi kulli zamanin wahid » Yani, « Yuhliku ashaba » Donc, l'ignorance, à toute époque, c'est toujours la même chose. De toute façon, ça fait périr les gens. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus dangereux pour les hommes que l'ignorance, Hein? Parce que l'ignorance fait en sorte que la personne, elle devient un ennemi d'elle-même, sans même le savoir. Et c'est pour ça que même parmi les ulama, il y en a qui citent parfois cette parole qui dit يعني لا يبلغ العدو من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. C'est-à-dire que tu peux pas, ton ennemi ne peut pas te faire plus de mal que l'ignorant peut se faire du mal à lui-même. Hein? C'est pour dire à quel point yani, l'ignorance est dangereuse. Et donc ici, le cheikh, il explique, il dit, yani, que donc, c'est ça. Donc, l'ignorance, ça fait périr les gens qui en souffrent. Et c'est pour ça que Moussa alayhi salam, il leur dit « Inna ha'ula'i mutabbarun » Batil, ça veut dire c'est faux. Et c'est destructeur ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose qui les amène vers leur perte. Donc, la religion du shirk, c'est une religion de la fausseté, une religion qui amène vers l'égarement. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Donc tout ce qu'ils faisaient comme shirk, c'est totalement faux. Et il dit, أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْرِيكُمْ إِلَاهًا Et le cheikh, il explique, il dit, مَعَا أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الَّذِينَ قَالُوا هَذِهِ الْمَقُولَةِ ما قالوا اجعل لنا إلها قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه مثل ما قالت بني إسرائيل لأن الذي يتعلق على الأشجار لأن الذي يتعلق على الأشجار والأحجار جعلها إلها ولو لم يسميها آلهة أو قال هذه مجرد ذكريات أو مجرد تنشيط على العبادة أو قال إنها أشياء مباركة ونحن نتبرك بها ما سموها آلهة ولكن فعلهم هذا يجعلها آلهة التعلق بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة تعبد من دون الله لأن معنى الإله هو الذي يؤله وتحبه القلوب يؤله يأله الذي يأله وتحبه القلوب وتعبده وتستعين به وتستغيث به هذا هو الإله الذي يستغيث بالأشجار والأحجار والقبور جعلها إلها ولو أنه ما سماها إلها فالعبرة ليست بالأسماء العبرة بالحقائق لا نقول هذه آثار وإنما هذه آلهة تعبد من دون الله ولو على المدى البعيد فالواجب إتلافها ومحوها وإزالتها نصحا للأمة لأن لا تقع فيما وقعت به الأمم السابقة وأن لا نتساهل في أمور الشرك وإن كان في الوقت الحاضر لا يوجد شرك وإن كان في الوقت الحاضر لا يوجد شرك ولكن في المستقبل أليس إبليس أمر محمد أليس إبليس أمر قوم نوح بتصوير الصور لأجل العبادة ولم تعبد في أول الأمر لوجود العلماء الذين ينهون عن الشرك ولكن لما مات العلماء نسي العلم وعبدوا هذه فكذلك هذه الآثار يسمونها الآثار النبوية والآثار آثار الصالحين والمقامات إذا هيئت الآن ولو لم تعبد في الوقت الحاضر إلا أنها هيئت للعبادة في المستقبل والشيطان إذا لم يحصل على شيء على الشيء الحاضر يأمل في المستقبل ولو على البعيد أو ولو في البعيد وهو حاضر لعنه الله، ومعه شياطين الإنس والجن أيضا، لا يألون جهدا في صرف الناس عن دين الله عز وجل. إذن التبرك بهذه الأشياء، الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والبنايات والمقامات، شرك بالله عز وجل واتخاذ لها آلهة من دون الله، ولو لم تسمى آلهة، ولو قيل إنها يعني تنشط على العبادة، ولو قيل إنها تدل على الحضارة والرقي فيها وفيها عبرة، نقول بقاؤها والمحافظة عليها وسيلة إلى الشرك، طال الزمان أو قصر. نعم. Donc on va s'arrêter ici et on va expliquer qu'est-ce qu'on vient de lire. Ici le cheikh il explique donc que يعني ensuite Moussa alayhi salam, il dit à son peuple, il dit à ses aux fils d'Israël, est-ce que je vais vous chercher une autre divinité que Allah, hein? Donc c'est pour leur montrer que yani y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah azza wa jal. Donc pourquoi chercher une idole ou des choses de ce genre alors qu'on sait que c'est faux, c'est que ces gens la font. Et donc le cheikh il explique et il dit, malgré que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit cette parole, hein, désigne-nous that anwat, comme les mouchriquins ont un arbre, hein, de ce genre, ils n'ont pas dit désigne-nous une divinité ou donne-nous une divinité. Hein. Et le cheikh il explique, il dit, le messager d'Allah azza wa jal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pris leurs paroles telles quelles, comme en voulant dire parce qu'ils n'ont pas utilisé le terme divinité, donc ils ne veulent pas dire une divinité. Non, parce que le cheikh il explique que les fils d'Israël, hein, ils ont dit explicitement donne-nous une divinité ou désigne-nous une divinité comme celle des mouchriquins. Et ici, le cheikh, il explique que les sahaba, eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est d'accrocher leurs armes et leurs épées ou leurs arcs ou leurs flèches sur un arbre ou sur une pierre. Hein. Mais en faisant ça, en réalité, ils la font devenir une idole, même s'ils ne l'appellent pas divinité. Hein. Parce que c'est une forme d'adoration, d'accrocher son cœur et de mettre sa confiance ou de chercher la bénédiction de quelque chose autre que d'Allah, ça c'est une forme d'adoration. Et le fait de chercher, hein, à se rapprocher ou à s'accrocher à une créature de cette façon, eh bien ça fait de cette créature-là une divinité, même si on ne l'appelle pas une divinité, même si on ne l'appelle pas idole. Et ça, c'est une des choses qui trompe beaucoup de gens ou qui ont fait tomber beaucoup de gens dans l'égarement. C'est le fait de s'attarder plus aux mots que de s'attarder aux réalités derrière ces mots-là. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens s'égarent à cause de ça. C'est parce qu'ils vont dire, c'est pas une idole. Hein? La tombe, c'est pas une idole. L'arbre, c'est pas une idole. Sauf que si tu l'adores, oui, ça devient une idole dans ce cas-là, même si tu ne l'appelles pas idole, même si tu ne l'appelles pas divinité, même si tu dis pas que c'est un dieu. Hein? Comme les koufars, par exemple, tu vois par exemple chez les hindous, chez les bouddhistes, ils vont adorer par exemple différents dieux, hein? Différentes divinités. Le dieu un tel, hein, le dieu de ci, le dieu de ça. Et donc, parce qu'ils les appellent des dieux ou des divinités, hein, à ce moment-là, les gens disent, ah, ça, c'est des idolâtres, c'est des mouchriquins, hein, c'est des koufars, parce qu'ils ont plusieurs dieux. Mais, supposons qu'il ne les appelait pas des dieux. Hein? Supposons qu'il disait, non, ce ne sont pas des dieux, ce sont des êtres pieux, des gens qu'on respecte, comme les chrétiens, par exemple, lorsqu'ils prient à des saints et des hommes pieux, des gens qu'ils considèrent comme étant des gens vertueux, qui ont fait de grandes choses, ou soi-disant qui ont fait des miracles, hein? Eh bien, ils vont les prendre comme des divinités, en les adorant, en leur offrant des prières, en faisant des intercessions, en les prenant comme des intercesseurs. Ça, c'est de l'idolâtrie qu'ils font, même s'ils l'appellent, ils ne les appellent pas des dieux ou des divinités. D'accord? Donc, c'est la même chose en réalité. Hein? Et c'est pour cette raison que le cheikh, il explique ici que... Il dit, quand ces gens-là, ils vont dire, par exemple, non, ça c'est juste pour un rappel pour nous, c'est juste pour nous encourager à faire plus d'adoration, c'est parce que c'est des choses bénies, hein? c'est des objets bénis, on cherche la bénédiction de ces objets-là ou de ces choses-là, hein? Ou bien ils ne vont pas les appeler, par exemple, des divinités, hein? Mais ils vont faire avec elles ce genre d'actes. Hein? Comme ce que les mouchriquines font avec leur divinité. D'accord? Donc, si tu vois quelqu'un, par exemple, qui se prosterne devant un objet et qui prie devant cet objet et qui tourne autour de cet objet, alors, même si tu lui demandes, ben, est-ce que ça c'est ton Dieu, c'est ta divinité, et s'il te répond, non, non, c'est pas ma divinité, je fais seulement ça pour l'honorer, hein, ou bien pour parce que je veux montrer ma tradition, ma coutume, ou je sais pas quoi. Donc, même s'il te dit ça, même s'il te dit non, non, c'est pas ma divinité, ce qu'il fait avec cet objet ou avec cette créature, eh bien, ça, c'est de l'idolâtrie quand même. Donc, il dit ensuite, le cher, que donc le fait de s'accrocher, hein, d'accrocher notre cœur à des arbres ou à des pierres, eh bien ça en fait des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Et c'est ça la signification d'une divinité. Hein? C'est ce que ton cœur aime et ce que ton cœur adore. Hein? Et c'est ce à quoi tu t'accroches pour chercher ton aide et ton secours. Hein? C'est ça une divinité. Donc si quelqu'un, par exemple, il a un stylo ou un bâton, hein, et il croit que ce bâton-là, il va le protéger, ou quelqu'un, il accroche dans son cou un pendentif avec un objet accroché dessus, ou une pierre, ou une roche, il dit, oui, cette roche, elle a une énergie spéciale, ou ce pendentif, il a une énergie ou quelque chose qui me protège, qui va me guérir, qui va me hein? Donc ça c'est la même chose, hein? Tu en fais une divinité, même si tu ne dis pas que c'est un dieu ou une divinité, mais ça devient, hein, du shirk quand même. Et donc, il dit, donc ceux qui cherchent appel au secours, les arbres ou les pierres ou les tombes, ils en ont fait des divinités, même si ils ne les appellent pas des divinités. Hein? Et les adorateurs des tombes parmi les musulmans, dans les pays musulmans, qui vont aux tombes des awliya, soi-disant, hein? Ou qui vont à la tombe de leur cheikh, hein? Ils pensent que le cheikh, il est une source de bénédiction et de baraka, et ils vont se prosterner devant la tombe, ils vont rester en prière, en méditation devant la tombe, en pensant que dans cette tombe, il y a des émanations spéciales qui vont s'échapper et qu'ils vont être touchés par cette bénédiction-là à cause de leur présence près de la tombe, leur prière va être meilleure ou des choses de ce genre, ou bien ils vont adresser carrément des prières à la personne qui est morte. Donc il y a des exemples dans ça de shirk, hein, le shirk majeur et des formes de shirk mineur mélangées. Donc tout ça pour dire que يعني c'est pas le fait d'appeler l'objet ou la chose en question une divinité qui la rend une divinité, mais c'est les choses que comment tu agis vis-à-vis de cet objet et qu'est-ce que tu fais hein, par rapport à cet objet-là si tu l'adores et si tu lui offres des adorations ou si tu as une croyance particulière vis-à-vis de cet objet-là qui fait partie des adorations. Eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que tu l'as adoré, tu en as fait une idole ou une divinité, même si tu ne l'appelles pas idole ou divinité. Donc, il ne faut pas se limiter qu'au nom, il faut aussi tenir compte des faits et de la réalité des choses. Et donc, certaines personnes qui vont dire, par exemple, non, ce sont des reliques, ce sont des patrimoines, du patrimoine de l'humanité, ce sont ils vont dire des artefacts ou bien alhamdulillah ou bien ils vont dire non ce sont juste des restants de civilisations anciennes qu'il faut préserver parce que ça nous rappelle l'histoire de l'humanité ou bien ça nous rappelle une ancienne civilisation. Et donc le cheikh il dit peut-être que maintenant ils ne les adorent pas, hein, mais peut-être que avec le temps, ils vont commencer à les adorer, un peu comme à l'époque de Nuh alayhi salam. C'est ça qui est arrivé. Au début, ils adoraient pas les images et les statues, puis par la suite, ils ont commencé à les adorer. Le cheikh dit que c'est pour ça qu'il faut les détruire ces objets-là et qu'il faut les éliminer complètement. Par sincérité envers la Ummah, pour pas qu'ils tombent dans les mêmes égarements que les peuples précédents ont fait, les mêmes erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Donc, si on prend les choses à la légère en ce qui concerne le shirk, hein, et à notre époque, le shirk dit qu'il n'y a pas de shirk, peut-être qu'ici il fait référence à l'Arabie Saoudite, du fait que les formes de shirk les plus apparentes ont été éliminées, hein, parce que avec la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y a eu une réforme en Arabie Saoudite depuis quelques siècles, et donc à cause de ça, les tombes qui étaient adorées dans la péninsule arabe ont été détruites, d'accord. Donc à cause de ça, les gens aujourd'hui là-bas, ils voient pas des manifestations de shirk apparentes, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays musulmans à notre époque, malheureusement. Et donc c'est pour ça. Mais le cheikh, il dit malgré ça, il dit malgré qu'il n'y a pas de ces manifestations de shirk là-bas, mais dans l'avenir, rien n'empêche que ça pourrait revenir. Et il dit, Yanni, c'est ça. Il dit, n'est-ce pas que Iblis, quand il est venu au peuple de Nuh avec l'idée de faire des images, de faire des statues ou des représentations des hommes pieux, à l'origine, c'était pas dans le but de les adorer. Hein? Parce qu'au début, ils n'ont pas adoré ces images-là. Mais Iblis, alayhi la'natullah, hein, il a commencé avec cette suggestion qui était en apparence innocente et c'était soi-disant pour se rappeler de nos hommes pieux, de nos ancêtres, pour qu'on puisse être bon comme eux et faire des bonnes œuvres, ça va nous encourager à l'adoration. Hein? Mais quand les ulama sont morts par la suite, il n'y avait plus personne pour leur interdire de faire le shirk, et lorsque le shaitan est revenu par la suite, eh bien c'est ça qui est arrivé. Les gens ont oublié. Et ils se sont mis à adorer hein, ces idoles-là, en disant ce sont des hommes pieux, ce sont des gens vertueux, il faut suivre leur exemple et il faut les honorer. Donc ils ont commencé à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah dans leurs adorations, puis ils sont tombés dans le shirk à cause de ça. Et donc ici, maintenant, c'est la même chose que tu vois apparaître. Les koufars, hein, ils vont faire des recherches archéologiques pour creuser toutes sortes de choses, puis déterrer des choses anciennes que les mouchriquins adoraient, et puis les rénover, les ramener. En Égypte, ils font la même chose avec les pyramides et les pharaons. Ils vont chercher même les cadavres des morts, les cadavres des pharaons. Ils font des analyses avec des rayons X pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les sarcophages et pour analyser les momies. Et toutes ces choses-là qu'ils sont en train de faire, ils laissent les morts en paix. Hein? Ils sont morts depuis des milliers d'années. Vous venez les prendre leurs cadavres et commencer encore à jouer avec leurs cadavres. Est-ce que n'importe quel d'entre eux aujourd'hui, là, de ces soi-disant archéologues ou scientifiques, est-ce qu'il aimerait que quelqu'un vienne prendre son cadavre dans la terre pour commencer à faire des recherches? Déjà, ça se fait pas. C'est même pas respectueux de faire ça. Subhanallah. Donc, soi-disant au nom de la science, soi-disant au nom de la recherche, on va commencer à déterrer les morts, creuser dans les pyramides, creuser dans les tombeaux des pharaons, de je sais pas quoi, pour aller essayer de découvrir des choses. Yani Allah al-Musta'an. Tout ça vient des koufars en réalité. Hein, surtout les Occidentaux, les Européens, c'est eux qui aiment ça, aller mettre leur nez dans ces affaires-là, parce que les musulmans vivaient là-bas depuis des siècles, ils n'ont jamais touché à ces affaires-là, même ils n'ont même pas donné d'importance à ces choses-là. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de nous écarter des endroits, des peuples qui ont été châtiés par Allah azza wa jal. Donc eux, les koufars de l'Occident, au lieu de faire ça, au lieu de s'écarter de ça et d'utiliser ça comme une leçon, justement, de prendre des leçons, de voir ces restants de civilisations puissantes qui ont été anéanties par Allah Azza wa Jal, au lieu de prendre des leçons de ça, eux, ils s'en vont mettre leur nez là-dedans et pour faire les mêmes erreurs que ceux qui ont été châtiés, justement. Ils n'apprennent pas de leçons de ça. Ils ne se posent pas des questions. Si ces gens-là, à l'époque, qui étaient plus puissants que eux, qui étaient plus forts que eux, hein, ils ont péri de cette manière et qu'il ne reste rien, hein, de tout ce qu'ils avaient construit comme temple, comme pyramide, comme toutes ces choses-là, tout ça c'est détruit, hein, c'est des restes. Hein. Alors, est-ce qu'ils ne pensent pas que la même chose peut leur arriver? Peut-être que dans quelques centaines d'années, Allahu a'lam, peut-être qu'il ne restera rien de leur civilisation, la moderne. Tout leur gratte-ciel et leur bâtiment et leurs trucs là. Tout ça va être des endroits où il n'y a plus rien là. Il n'y a plus de personne qui va vivre dans ces endroits là. Ça va être. Ils vont être anéantis par Allah. Hein? Donc ça c'est pas impossible. Tout ça pour dire, yani, les gens, ils ne prennent pas de leçons, malheureusement. Et donc, le cheikh, il explique ça. Il explique que, yani, même si les gens, aujourd'hui, ils ne font pas nécessairement le shirk avec ces choses-là, même dans les pays musulmans, mais ça ne veut pas dire que le shirk ne peut pas revenir. Hein? Parce que le shaitan, comme le cheikh, il le mentionne, il est toujours là. Il est toujours là. Même si les gens ils réalisent pas ou ils ont oublié, hein, le shaitan il continue son travail et il continue avec ses alliés parmi les diables djinns et parmi les diables humains, hein, parce qu'il y a des êtres humains aussi qui sont des shayatins, et il ne lâche jamais et il continue toujours à faire des efforts pour détourner les gens de la religion d'Allah. Donc de chercher la bénédiction de ces différentes choses, que ce soit les pierres, les arbres, les tombes, les tombeaux, les bâtiments, les mausolées, les dômes, toutes les autres constructions, les pyramides, hein, toutes ces choses-là, c'est du shirk, hein, avec Allah. Et yani, surtout que yani, tu vois que c'est des endroits aussi où les gens avaient construit ces temples-là, c'est parce qu'ils croyaient que leur pharaons, c'était des dieux, hein? Ils les adoraient en dehors d'Allah. Ça, c'est déjà, c'est du shirk aussi, c'est du kufr. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que ça, c'est pas suffisant comme leçon pour que les gens prennent des leçons pour ça? Hein? Donc, ici, le cheikh, il dit que tout ça, c'est du shirk avec Allah. Et donc, de prendre ces choses-là comme des divinités en dehors d'Allah, même si elles ne sont pas appelées des divinités ou des dieux, ça revient à la même chose. S'ils disent non, c'est pour nous encourager à faire plus d'adoration, c'est un signe de civilisation et d'évolution, hein, on étudie ça, des choses pour prendre des leçons, des choses comme ça, et malheureusement non. Ils ne prennent pas réellement la vraie leçon qu'ils devraient tirer. Parce que eux, ils disent, nous on prend des leçons scientifiques et historiques de ces choses-là. On veut essayer de comprendre le passé, comment les gens vivaient, comment les gens étaient, comment les gens croyaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme croyance, qu'est-ce qu'ils avaient comme science, et ainsi de suite. Mais la vraie leçon qu'ils devraient prendre, qui est la leçon par rapport au tawhid d'Allah et le fait de rejeter le shirk, ça, ils ne l'apprennent pas, cette leçon-là, malheureusement. Et c'est ça qui est le plus dangereux et le plus triste dans cette affaire. Et donc ici, le cheikh, il dit, le fait de préserver ces sites et ces endroits-là et ces choses-là, et bien c'est un moyen vers le shirk. Hein? Peu importe que tôt ou tard, les gens ils vont tomber dans le shirk à cause de ça. Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il termine, on va essayer de terminer donc l'explication du hadith au complet. Le cheikh dit « وقوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى » بنو إسرائيل أولاد يعقوب لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وذريته يقال لهم بنو إسرائيل ومنهم موسى عليه السلام لأن جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من ذرية إبراهيم ذرية إسحاق وهم أنبياء بني إسرائيل وذرية إسماعيل وهو محمد ومن ذرية إسماعيل وهو محمد ذرية إسحاق وهم أنبياء بني إسرائيل وذرية إسماعيل وهو محمد وكلهم أولاد إبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا على ما سبق من قوله إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم معناه النهي والتحذير وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعظم التشبه بالكفار حتى في العبادات والعقائد وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وبنيت المشاهد على القبور والأضرحة ووضعت عليها الستائر ونذرت لها النذور والذبائح وصارت تضاهي المشاعر المقدسة البيت الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله فالحاصل أن هذا الباب باب عظيم وهو يؤكد معنى لا إله إلا الله وأن معناها أن لا يعبد ولا يتبرك إلا بالله ولا يرجى لجلب الخير ودفع الضر إلا الله فمن عدل عن ذلك فقد اتخذ آلهة غير الله ولو لم يسمها آلهة ولو سماها وسائل أو وسائط أو شفعاء أو غير ذلك العبرة ليست بالأسماء العبرة بالحقائق. Donc, on va traduire ce passage qui est la fin de l'explication de ce hadith du cheikh Al-Fawzan. Donc, il explique, il dit donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens qui venaient juste de se convertir à l'islam, il dit, vous avez dit la même parole que les fils d'Israël avaient dit à Moussa, alayhi salam. Et il dit, le cher, que Banu Israël, les fils d'Israël, ce sont les fils de Yaakoub. Parce que, en réalité, Yaakoub, c'est son surnom, c'est Israël. D'accord? Et, yani, donc c'est pour ça, on dit les enfants de Yaakoub. Hein, les enfants de Yaakoub, c'est en fait, on dit les fils d'Israël, parce qu'il a eu 12 fils. D'accord? Et en tout, il avait 4 épouses, 4 femmes. Donc, il avait épousé sa première femme, hein, à la suite du travail qu'il avait fait pour le père de ces filles-là. Mais lui, il voulait épouser la plus jeune. Alors, il y en a une, j'ai oublié son nom, là, celle qu'il voulait épouser. Et celle qu'il. Et elle avait une grande sœur qui s'appelait Léa, si je me rappelle. Et quand le jour de la noce est arrivé, ou du mariage, donc qu'est-ce que le père a fait? Il a substitué la fille que Yaakoub voulait épouser. Hein? Il lui a donné la plus vieille au lieu de donner celle qu'il voulait, la plus jeune. Alors, quand il est rentré, le soir, il a trouvé sa femme et il pensait que c'était celle qu'il voulait et finalement, c'était sa grande sœur. Alors, il a dit au père, il a dit, mais tu m'as trompé. Moi, je voulais épouser la jeune et toi, tu m'as donné l'autre. Il a dit, pardonne-moi de t'avoir trompé, des choses comme ça. Il dit, si tu travailles encore pour moi pour quelques années encore, je vais te donner l'autre, la plus jeune que tu voulais. Et donc, c'est ça. Finalement, il a eu des enfants avec... il n'a pas eu d'enfants avec celle qu'il aimait, celle qu'il voulait. Donc, en tout cas, ça c'est tel que c'est mentionné dans les livres de Bani Israël. Eux, ils racontent l'histoire de cette façon. Ils disent que finalement, pour rendre l'autre sœur jalouse, elle a donné sa servante à Yaakoub. Alors, sa servante, elle a eu des enfants avec lui. Et l'autre sœur, elle aussi, elle a voulu, hein, quand elle a vu que sa sœur a fait ça, alors elle aussi lui a donné sa servante. Donc finalement, il était rendu avec 4 femmes à cause de ça. Et donc, il a eu avec chacune un certain nombre d'enfants. Et en tout, il a eu 12. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit les 12 fils d'Israël. Hein? C'est-à-dire les fils de Yaakoub, alayhi salam. Et Youssef, alayhi salam, Youssef et Benyamin, c'était les deux fils qu'il a eu avec la jeune des deux sœurs qu'il voulait. Tandis que les autres fils qu'il a eus, c'était avec les autres, les servantes et la grande sœur. À la kulli hal, tout ça pour dire que c'était une des explications pourquoi les autres frères de Youssef, alayhi salam, étaient jaloux de Youssef. Hein? Et qu'ils ont essayé de se débarrasser de lui à cause de ça, pour essayer de s'accaparer de l'amour de leur père, hein, en pensant que si Youssef alayhi salam n'était plus là, eh bien il allait être complètement consacré à eux seulement. À la kulli hal, tout ça c'est des choses qui ont été clarifiées et expliquées, et on connaît la sourate, dans sourate Youssef alayhi salam, de l'histoire qui est tout ce qui est arrivé à Youssef à cause de ça, hein, justement. Et donc les fils d'Israël, c'est-à-dire les descendants de ces fils-là, sont les 12 tribus, hein, qu'on appelle les 12 tribus. Et ici justement quand à l'époque de Moussa, alayhi salam, ces 12 tribus-là, ils étaient devenus plus nombreuses. Hein, c'était devenu, ils étaient devenus très nombreux. Et donc, c'est là que, quand ils ont été pris en esclavage hein, en Égypte, parce que Youssouf, alayhi salam, il est rentré avec ses frères en Égypte et il était un des dirigeants là-bas. Mais après un certain temps, les pharaons, ils ont pris le peuple d'Israël. Hein, le peuple, c'est-à-dire les fils d'Israël, ils ont pris en esclaves. Et donc, quand Allah Azza wa Jal les a sauvés de l'Égypte, et il les a fait traverser la mer Rouge, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont vu des idoles, ils ont dit, eh bien, désigne-nous une idole comme cette idole-là. Donc c'est comme ça qu'ils ont voulu imiter les mushrikin. Donc la plupart des prophètes qui sont venus par la suite sont venus de la descendance de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, c'était le père de Isaac et de Jacob, de Israël. Hein? Donc, non, pardon. Ibrahim, c'était le père de Ishaq et de Ismaïl. Oui, donc Ibrahim, il a eu Ishaq et Ismaïl. Et Ishaq, c'est lui le père de Yaqub. Le père d'Israël, c'est Ishaq. Tandis que Ismaïl, eh bien, c'est l'ancêtre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh il explique que parmi donc les enfants de Ibrahim alayhi salam, il y a eu Ishaq, et de Ishaq il y a eu Yaqub et ses enfants, les prophètes de Banu Israël, et de Ismaïl, des enfants d'Ismaïl, il y a eu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ils sont tous en réalité des descendants de Abraham. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 27 dans Sourate Al-Ankabut, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ. C'est-à-dire, nous avons fait que, à travers sa progéniture et ses enfants, il y a eu la prophétie et les livres qui ont été révélés. D'accord? Donc, ça c'est l'explication ici. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé tout ce qu'on a dit préalablement par rapport à ces mauvais exemples que certains musulmans vont suivre, en particulier ceux d'entre eux qui sont ignorants ou qui sont loin de la connaissance de la sunna. Ils vont prendre l'exemple des peuples qui ont dévié auparavant et les suivre dans leurs mauvaises pratiques, dans leurs mauvaises croyances. Et ça, c'est ce qu'il a mentionné dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous allez suivre les peuples qui vous ont précédés pas à pas. Jusqu'à ce que si l'un d'entre eux rentre dans un trou de lézard, vous allez rentrer vous aussi. Et donc ça, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a le sens de l'interdiction et de l'avertissement, de la mise en garde. Et il dit également que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith-là, eh bien, ça s'est réalisé, puisque on voit à quel point aujourd'hui beaucoup de musulmans cherchent à imiter les kuffars et les mushrikines dans leurs pratiques et dans leurs croyances. Et ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il nous a informé des choses qui n'étaient pas encore arrivées et qui allait se produire dans l'avenir et qui se sont concrétisés tel qu'il l'avait mentionné. Donc les gens aujourd'hui, on voit que parmi les musulmans, il y en a qui ont construit des tombeaux sur les tombes et des dômes et des mausolées et des mosquées et ils vont adorer les personnes qui sont enterrées dans ces tombes-là et ils mettent sur leurs tombes des rideaux par-dessus la tombe et ils leur font des vœux pieux et puis ils vont leur faire des sacrifices et toutes sortes d'autres formes d'adoration. Tout ça c'est pour imiter d'un côté d'essayer d'imiter la Kaaba et en même temps aussi pour essayer d'imiter yani les idoles que les mouchriquins adorent en dehors d'Allah. Allah musta'an. Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh dit wala hawla wala quwwata illa billah. Donc en résumé, ce chapitre c'est un chapitre important qui vient confirmer la signification de la ilaha illallah et que sa signification implique que rien ne mérite d'être adoré et on ne doit chercher la bénédiction de personne excepté d'Allah. Rien ne doit être adoré autre que Allah et on ne doit chercher la bénédiction de personne excepté d'Allah. Et on ne doit espérer un bien ou espérer repousser un mal que d'Allah. Hein? Et il dit, quiconque se détourne de cela, hein, eh bien, il a pris une divinité en dehors d'Allah, qu'il l'ait appelée divinité ou non. Peu importe comment il l'appelle, même s'il l'appelle un moyen, un intermédiaire, un intercesseur ou autre. L'important, ce n'est pas le nom, hein, mais c'est la réalité des choses. Donc tout ça c'est pour expliquer ce point. Et donc on va s'arrêter ici, puis on continuera au prochain cours inshallah la suite de l'explication de ce hadith là qui reste à expliquer des paroles de Cheikh Abdurrahman Ibn Hassan et on expliquera des détails supplémentaires là-dessus inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.